إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم donc on commence le cours 18 aujourd'hui dans l'explication de l'usul al-thalatha et donc on était en train d'expliquer la partie dans l'usul al-thalatha où le cheikh il explique, il dit يعني, et si on te demande qui est ton seigneur فإذا قيل لك من ربك وبما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته c'est-à-dire tu réponds en disant par ses signes et par ses créations ou par ses créatures. Donc le cheikh il dit قلتو ah pardon je pense que j'avais on est arrivé un peu plus loin que ça en fait. Donc on est au cours 19, je me suis trompé de page. Donc on est au cours 19 et on est arrivé à la partie où le cheikh il dit wa min ayatihi al-layl wan-nahar wash-shams wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wal-aradun as-sab' wa ma fihinna wa ma baynahuma. Donc le cheikh il dit parmi ces signes il y a la nuit, il y a le jour, il y a le soleil, il y a la lune, et parmi ces créatures, il y a les sept cieux et les sept terres, et ce qu'il y a dedans, et ce qu'il y a entre elles. Donc ça, c'est la partie qu'on va expliquer aujourd'hui. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ces parties-là. Il dit, « قوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فالآيات على قسمين. » القسم الأول آيات كونية تشاهد مثل السماوات والأرض والنجوم والشمس والقمر والجبال والشجر والبحار سميت آيات لأن بها دلالات على خالقها سبحانه وتعالى ولهذا يقول أبو العتاهية فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ولله في كل تحريكة وتسكينة الورى وتسكينة في الورى شاهد. Donc le cheikh il explique quand le cheikh il mentionne le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah il mentionne que parmi ces signes il y a la nuit, il y a le jour, il y a le soleil, il y a la lune. Le cheikh explique que les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création sont de deux catégories. Et quand on dit les signes, on a expliqué déjà que c'était les signes et les preuves et les signes dans la création qui indiquent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui indiquent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui indique également que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Hein? Donc, ces signes-là sont de deux catégories. Il y a les signes dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on appelle les ayat kawniya, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création, comme par exemple les choses qu'on peut tous voir avec nos yeux qui sont devant nous, les cieux et la terre et les étoiles, le soleil, la lune, les montagnes, les arbres, les océans. Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés des signes. Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés des signes. La première catégorie, c'est les signes dans la création. La deuxième catégorie, on va la mentionner après, mais je peux vous dire tout de suite, c'est les signes dans la révélation. Les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la première catégorie, donc, c'est ce que j'ai mentionné par rapport à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont les signes qui indiquent que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur et qu'il est unique, comme je disais tout à l'heure. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le cheikh ensuite, il mentionne, cheikh al-Fawzan, il mentionne les paroles d'un poète qu'on appelle Abu al-Atahiyya. Et il disait, Faya ajaban. Ajaban, ça veut dire comment on s'étonne. Donc il dit, c'est un étonnement. Comment quelqu'un peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien comment quelqu'un pourrait même essayer de nier son existence, alors que dans chaque chose qui existe, il y a un signe qui indique qu'il est unique. Hein? Et dans chaque mouvement, et dans chaque taskin, c'est-à-dire dans chaque chose immobile ou dans chaque chose qui bouge, hein, il y a un témoin de la création, dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui prouve qu'il est unique, qui prouve que c'est Allah qui existe, ainsi de suite. Donc le cheikh dit, فَكَيْفَ يَجْحَدُ أَحَدٌ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيَقُولُ لَيْسَ هُنَاكَ رَبٌّ لِهَذَا الْكَوْنِ لِهَذَا الْكَوْنِ كُلِّهِ وَهَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ وُجِدَتْ مِنْ غَيْرِ خَالِقٍ وَإِنْ وُجِدَتْ بِخَالِقٍ فَمَنْ هُوَ هَذَا الْخَالِقُ غَيْرَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى بَيِّنْ لِي لا تجد خالقا غير الله سبحانه وتعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Donc le cheikh il explique, il dit, comment quelqu'un donc peut nier Allah subhanahu wa ta'ala et son existence, comme quelqu'un qui dit il n'y a pas de Dieu qui a créé l'univers. C'est ça que les athées actuellement, les kuffars et les athées, ils disent. Et on en a parlé dans le cours précédent. On a expliqué un petit peu des théories des athées et des matérialistes qui nient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui expliquent la création par une théorie de la théorie de Darwin ou bien des théories qui découlent de cette théorie-là et qui essaient d'expliquer que l'homme descend d'une origine commune avec le singe, ou ainsi de suite. On a montré les preuves, on a donné des exemples et des preuves que cette théorie-là, elle est illogique, et que ça ne tient pas, selon la logique. Puisque les choses ne peuvent pas évoluer toutes seules, ne peuvent pas changer d'elles-mêmes. Il faut qu'il y ait un créateur derrière ça, quelqu'un qui gère qu'est-ce qui se passe comme changement, comme transformation, comme évolution. Il faut qu'il y ait un Rabb derrière ça. Et en même temps aussi, la même chose au sujet de la création, au sujet de l'univers, elle ne peut pas apparaître tout seul. Les atomes ne peuvent pas se créer d'elles-mêmes. Les atomes doivent partir ou venir de quelque part. Il faut que, et puis, donc ça c'est clair qu'elles ne peuvent pas exister d'elles-mêmes. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créées. Et en même temps, même si elles existent, il faut que quelqu'un les mélange entre elles pour que ça crée ou que ça produise quelque chose et de vivant par la suite pour arriver à un résultat. Il faut que ça se mélange, il faut que ça bouge. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui les fait bouger et qui les mélange de façon bien calculée et de façon précise, c'est sûr que ces choses-là ne pourront jamais exister. Et ça ne peut pas être attribué uniquement au hasard ou à la chance ou à la probabilité ou des choses comme ça, puisque on sait que la probabilité de ça est infime et impossible, sans que ce soit la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des preuves claires pour toute personne qui réfléchit. On a donné des exemples de ça dans les cours précédents. Donc le cheikh, il dit que c'est pas possible que quelqu'un dise il n'y a pas de créateur, et ces choses-là, il n'y a personne qui les a créées, elles sont arrivées comme ça toutes seules sans créateur. Le monde existe sans créateur, hein? Et le cheikh, il dit si elles ont existé par un créateur, alors qui est ce créateur? Si elles ont été créées par un créateur, qui est ce créateur? Explique-moi. Le cheikh, il dit, tu ne trouveras pas de créateur excepté Allah. Donc il n'y a pas plusieurs créateurs, il y a un seul. Il n'y a pas plusieurs divinités qui ont créé différentes choses dans l'univers. Puisqu'on voit dans l'univers qu'il y a un ordre. Il y a un ordre. Que les choses travaillent entre elles. Et elles se complètent les unes les autres. Et elles sont dans une sorte d'harmonie entre elles dans l'univers. Donc, ça prouve que tout ça c'est calculé. Et donc, qu'il n'y a pas plusieurs créateurs, qu'il y en a un seul. Et donc, il mentionne le verset 16 dans Surat Ar-Ra'd, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'ils ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires qui auraient créé comme Allah a créé? Alors, la créature, se serait mélangée pour eux. Et donc, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses et c'est lui l'unique et le contraignant. Al-Qahar. Donc, le cheikh, il dit ensuite, donc, la deuxième catégorie de signes, c'est quoi? Les signes dans le Coran. Al-Qismu al-Thani, al-Ayatul Qur'aniyya, التي تتلى من الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه كلها أدلة على وجود الرب سبحانه وتعالى وعلى كماله وصفاته وأسمائه وعلى أنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له كلها تدل على ذلك الآيات الكونية والآيات القرآنية الآيات الكونية تدل على خالقها وموجدها ومدبرها والآيات القرآنية فيها الأمر بعبادة الله وفيها تقرير توحيد الربوبية والاستدلال به على توحيد الألوهية والأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى كل القرآن يدور على هذا المعنى وأنزل من أجل هذا المعنى. Donc, le cheikh, il dit que donc la deuxième catégorie, c'est les signes du Coran. Et on les récite dans la révélation qui a été révélée sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ces versets sont des preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils indiquent la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs d'Allah ainsi que ses noms subhanahu wa ta'ala. Et de même que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et qu'il n'a pas de partenaire dans ça. Il n'a pas de partenaire dans la création. Et il n'a pas de partenaire dans l'adoration. Il n'a pas de partenaire dans la création. Et donc il n'a pas de partenaire dans l'adoration. Et donc tout ce qui est comme signe, c'est les signes dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les signes dans le Coran. Et les signes dans la création, elle nous prouve et elle nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a tout créé, que c'est lui qui a fait que toute chose existe, et c'est lui qui gère tout, et c'est lui qui contrôle tout. Et les signes dans le Coran nous montrent et nous indiquent l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et vient confirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la souveraineté, du fait que c'est Allah seul qui est le Rabb, le Créateur, le Maître, le Pourvoyeur, et ainsi de suite. Et il y a dedans la preuve, dans la révélation, il y a dedans la preuve du tawhid dans l'adoration. Il y a la preuve de l'unicité d'Allah dans l'adoration et de l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et on le voit ça dans plusieurs versets dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala il utilise les arguments de la Rububiyya comme preuve pour confirmer Al-Uluhiyya. Hein? Ça vous l'avez appris, vous l'avez compris, je suis certain, puisque c'est des choses qu'on a expliquées des milliers de fois dans différents cours, que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il n'a pas de partenaire dans sa création, ça c'est la preuve qu'il n'a pas de partenaire dans l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ramène toujours cette preuve-là pour les mushrikines dans le Coran, dans plein de versets. Hein? Même dans le premier verset dans le Coran, le premier appel dans lequel il s'adresse à l'humanité, dans le Surat al-Baqarah, au tout début, quand il dit « Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum ». Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Puis, il ramène les preuves. Pourquoi on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, rien associé avec lui. Il mentionne quoi? Il mentionne la création. Il mentionne les signes qu'il a créés dans l'univers. Pourquoi? Parce que c'est pour dire aux hommes, puisque j'étais le seul à créer toutes ces choses, et c'est moi seul qui a tout créé, qui vous a créé, vous seul, qui a créé tout ce qui existe dans l'univers. Alors, comment vous pouvez me donner des égaux dans l'adoration? Alors que vous savez. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. Le verset dit, ayyuha an-nas, ubudu rabbakum, adorez votre Seigneur, alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Celui qui vous a créé vous et qui a créé ceux qui vous ont précédés pour que vous puissiez avoir la taqwa. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaan wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. Donc tout ça, Allah il le mentionne les signes dans la création pour établir le fait que lui seul mérite d'être adoré par la suite, parce qu'il n'a pas de partenaire dans la création et donc il n'a pas de partenaire dans l'adoration. Donc ça c'est les preuves qu'il mentionne dans la révélation, hein, et dans le Coran, et même dans les révélations précédentes aussi, dans le livre des Juifs, dans les livres des chrétiens. Tu retrouves les preuves de l'unicité d'Allah dans les 10 commandements, dans l'Ancien Testament, chez les chrétiens, chez les juifs, la preuve que Dieu seul mérite d'être adoré, dans les paroles attribuées à tous les messagers d'Allah, c'est la même chose. Hein? Et donc, ensuite le cheikh il dit, non. Donc, parmi les signes, il dit: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر هذه من أعظم آيات الله من أعظم آياته سبحانه وتعالى الليل المظلم الذي يغطي هذا الكون والنهار المضيء الذي يضيء هذا الكون فينتشر الناس لأشغالهم. قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Donc ça c'est les versets que le cheikh il mentionne, hein, du Coran. Il dit parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune, et ça c'est parmi ses plus grands signes. C'est parmi les plus grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde les voit. Hein, toutes les créatures sur la terre voient ces signes-là. Et malheureusement, souvent, il reste insouciant et indifférent devant ces signes. Hein? Il ne se pose même pas la question, qui a créé ça? Pourquoi? Hein? Et donc, la nuit qui est noire, hein, qui est ténébreuse, qui couvre toute la création, la nuit, quand la nuit vient, tout devient sombre, tout devient noir. Hein? Et le jour, tout est éclairé, tout est illuminé dans cette création. Ça, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même, j'ai entendu même des kuffars qui discutaient au sujet de la nuit. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai entendu des kuffars qui discutaient au sujet de la nuit. Et puis, ils disaient, comment ça se fait que la nuit est noire? Et puis, ils ne pouvaient pas expliquer ça scientifiquement. Parce qu'ils disaient que, selon leur théorie, là, comme on en a déjà parlé, selon leur théorie, tout devrait être éclairé dans l'univers. Parce qu'ils disent que c'est le résultat d'une explosion. Ils croient, eux, que c'est le Big Bang qui a fait que l'univers est comme il est maintenant. Donc, ils disent qu'on ne peut pas expliquer la présence de noirceur dans l'univers. Ils disent que tout devait être éclairé. Et ça, c'est un des éléments que, jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas été capables d'expliquer. Hein? La masse noire de l'univers. Hein? Ceux qui ont étudié en physique ou en astrophysique ou des trucs comme ça, ils savent de quoi je parle. Donc, le cheikh, il dit, ça c'est pour la nuit et pour le jour, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Donc, la nuit, les gens peuvent se reposer, parce qu'il fait noir et il n'y a rien à faire de toute façon, ou bien s'il y a quelque chose à faire, c'est reposant, vraiment calme, puisqu'il fait pas, il n'y a pas de mouvement, tout est calme, tout est reposé. Et, wa alaykum salam wa rahmatullah, ça va Hassan? Masha'Allah. Et le jour, eh bien, on voit, tout est éclairé, les gens peuvent aller travailler, peuvent aller faire leurs activités, c'est beaucoup plus facile parce que on voit autour de nous. Et ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il mentionne des versets dans le Coran, dans Surat al-Qasas, le verset 71 à 73. Et ça, c'est des versets vraiment qui font réfléchir quand on les entend, parce qu'il y a vraiment des points dans ça qui font réaliser à l'homme, en fait, la grande sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qasas. En français, je crois que c'est le récit, si je ne me trompe pas. Naam. Donc, qu'est-ce que ça dit, ce verset? Ça dit, « Dis, ô Muhammad, à ces hommes, avez-vous vu, ou voyez-vous si Allah subhanahu wa ta'ala avait fait sur vous la nuit, tout le temps, sans arrêt, jusqu'au jour de la résurrection? Man ilahun ghayrullah, quelle divinité, quelle chose que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala pouvait vous ramener de la lumière? Ça, c'est un défi que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de donner aux mushrikines. C'est-à-dire, vous adorez des choses en dehors d'Allah, mais si Allah subhanahu wa ta'ala décide de faire en sorte que tout le temps ce soit la nuit et qu'il n'y ait jamais de jour, laquelle de vos divinités va ramener la nuit? Laquelle de vos divinités va ramener de la lumière? Laquelle de vos divinités va ramener de la clarté? N'entendez-vous pas? Et il dit, et dis-leur au Muhammad, dis à ces gens-là, voyez-vous si Allah subhanahu wa ta'ala fait que ce soit toujours le jour et qu'il n'y ait jamais de nuit, jusqu'au jour de la résurrection, laquelle de vos divinités, autre que Allah subhanahu wa ta'ala, pourrait vous ramener la nuit dans laquelle vous allez pouvoir vous reposer? Ne voyez-vous donc pas? Et il dit ensuite, et parmi les choses qui font partie de sa miséricorde, c'est qu'il a fait pour vous la nuit et le jour pour que vous puissiez vous reposer et pour que vous puissiez rechercher de sa grâce, pour que vous soyez reconnaissant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a divisé la vie comme ça, avec le jour et la nuit, pour que les hommes puissent être reconnaissants. Parce que le jour, ils sont capables de vaquer à leurs occupations, de travailler, de faire les activités qu'ils ont besoin de faire, qui nécessitent de la lumière. Et en même temps, la nuit, ils peuvent se reposer. Et c'est sûr que lorsqu'il y a de la lumière et lorsque tout est clair, c'est moins facile de se reposer que lorsqu'il fait noir. Et donc, ça, c'est des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui vivent dans les extrémités de la terre, comme le pôle nord ou le pôle sud, bon, le pôle sud, je ne sais pas s'il y a des habitants, mais je sais que dans le pôle nord, il y a des habitants, et là-bas, il y a des saisons, plus haut dans le nord, il y a des saisons où il fait jour pendant 6 mois, et il fait nuit pendant 6 mois. Et les gens qui vivent dans ces régions-là, c'est très difficile pour eux. Hein? Et même des gens qui sont pas habitués, quand ils vont là-bas, par exemple en Alaska ou des choses comme ça, et qui sont pas habitués, ils ont de la difficulté à s'adapter parce qu'ils peuvent pas déterminer quand est-ce que c'est le jour, quand est-ce que c'est la nuit. Donc c'est avec les horloges, avec les cadrans, avec les montres, ils déterminent, bon là ça y est c'est la nuit, il faut aller dormir. Mais dehors il fait clair. Et là, ils ferment les lumières, ils ferment les rideaux et tout, pour que ce soit le noir à l'intérieur. Puis, quand l'heure arrive, ils se réveillent, il fait encore jour. C'est comme ils sont toujours dans le noir. Ou bien ils sont ils voient que le jour, ils voient pas la nuit. Non, c'est vrai. Je me souviens quand je travaillais une fois dans une compagnie, on travaillait 12 heures. On rentrait à 7 heures, c'est-à-dire 19 heures, puis on sortait à 7 heures le matin. On rentrait à 19 heures le soir, on sortait du travail à 19 heures le matin. Donc toute la nuit, on travaillait, puis le soleil se couchait à 4 heures, l'après-midi, 4 heures et demie l'hiver. Donc ça veut dire que quand on allait travailler, il faisait noir déjà, et quand on sortait le matin, bon, il commençait à faire un peu clair, mais on allait dormir. Donc, quand on se réveillait, il faisait noir encore à chaque fois. On voyait jamais le jour, en fait. Hein? Donc, ça, c'est des exemples, même ici, des fois, c'est vrai qu'on peut voir ça. Le mieux, en fait, le mieux, Allahu A'lam, c'est de vivre plus proche de l'équateur. Comme ça, la journée et la nuit sont presque à égalité. Et ça reste stable toute l'année. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et des fois, quand tu habites, c'est ça qui est bien quand tu habites près de l'équateur, ça ne change pas beaucoup. Prière de Maghreb, c'est presque toute l'année la même heure. Hein? Donc il n'y a pas le jour, la nuit que ça change beaucoup comme ici en Amérique du Nord. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Donc le cheikh il dit ensuite: hada min a'zami ayati Allah fiha hada min a'zami ayati Allah hada al-layl wa hada an-nahar la al-waqt kulluhu la al-waqt kulluhu layl wa la al-waqt kulluhu nahar li'annahu law kana kadhalika ta'attalat masalih al-ibad wa ta'ibu. Donc c'est pas tout, comme le cheikh dit, ça c'est parmi les plus grands signes d'Allah. C'est la nuit et le jour. Il dit c'est pas tout le temps la nuit, c'est pas tout le temps le jour. Parce que si c'était comme ça, eh bien les intérêts des hommes seraient vraiment abandonnés ou délaissés leur travail et leurs biens, les choses qu'ils ont besoin pour que leur vie fonctionne bien. Et il se fatiguerait aussi beaucoup, puisque si ce serait toujours le jour, les gens voudraient toujours travailler. Et puis à la longue, ils se fatigueraient. Hein? Le cheikh il dit ensuite: الدليل على ربوبيته وإلهيته. La preuve de. Ah non, on n'a pas fini. Ok, oui. Donc il dit: جعل الله لهم الليل والنهار يتعاقبان. ثم إن الليل والنهار منتظمان لا يختلف واحد منهما ولا يتغير على نظام واحد مما يدل على حكمة الحكيم سبحانه وتعالى وأفعال العباد أفعال العباد وصناعاتهم تخرب وتختلف مهما كانت وتتعطل أما مخلوقات الله عز وجل فإنها لا تخرب إلا في وقت يأذن الله فيه بخرابها فالليل والنهار مستمران لم يتعطل أحد منهما بينما صناعة الخلق تتعطل وتخرب وتفنى وإن كانت قوية أو ضخمة. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait du jour et de la nuit qu'ils se suivent les uns après les autres, ils se succèdent, ok. Puis la nuit et le jour, ils sont bien en ordre, bien organisé. Tu vois pas que ça change à chaque fois. Ça se suit. Il y a un ordre dans l'organisation du jour et de la nuit. Et ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le sage. Et il agit selon sa sagesse. Tandis que tu vois que les créations des êtres humains et les choses qu'ils fabriquent, ils se brisent. Hein? Ils se brisent. Et tandis que les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala et les signes d'Allah, ils ne se brisent pas. Hein? Ils ne se cassent pas. Ça continue à fonctionner en ordre. Hein? Même par exemple, on voit que les horloges qu'on utilise et les montres et tout ça c'est programmé, hein, selon le mouvement des astres. C'est ça qui détermine le temps. Mais les montres, elles se brisent, mais le mouvement des astres qu'Allah a créé, ça reste toujours en ordre. Et ça, c'est très précis. C'est très, très, très précis comment Allah subhanahu wa ta'ala a programmé ces choses-là. Et ça ne se brise pas. Excepté lorsque le temps vient, que Allah a décidé que ces choses-là vont être brisées. Et que l'univers va se défaire. Qu'il n'y aura plus l'ordre tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, le cheikh dit que la nuit et le jour, donc ça continue tout le temps. Il n'y en a pas un des deux qui cesse ou qui arrête de fonctionner. Tandis que les créations que les hommes fabriquent, eh bien, tu vois que des fois, ça se brise. Même si c'est des créations qui sont énormes, tu vois que ça se brise et que ça cesse de fonctionner par la suite. وَكَمْ تُشَاهِدُونَ كَمْ تُشَاهِدُونَ مِنَ السَّيَّارَاتِ c'est ça, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala les a programmés pour que ça se produise toujours de telle ou telle façon, puis que, comme tu dis, il n'y en a pas un qui va être en retard par rapport à l'autre. C'est pas comme les compagnies aériennes ou bien les compagnies de train, comme tu dis, qui prédisent qu'ils disent on va arriver à telle heure, puis ils sont en retard. Non, les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu dis, toujours à l'heure. Tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, l'a prédestiné. Si le jour aujourd'hui, comme Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé que, par exemple, le Maghreb c'est à telle heure aujourd'hui, bien c'est certain que le Maghreb il va être à cette heure-là. Il ne va pas être en avance, il ne va pas être en retard. Hein? C'est comme Frère Mourtal, qu'est-ce qu'il dit? C'est exactement ça. Hein? Tandis qu'avec les créations des hommes, il y a toujours des fois, même les montres les plus précises, là, il y a toujours un petit retard chaque fois. Hein? Tu vois? Donc, subhanallah. Et en plus, le pire, c'est que quand tu vas d'un pays à l'autre, tu es obligé de changer l'heure. Parce qu'il y a le décalage. Hein? Donc, tout ça, c'est des exemples. Il y en a qui font qu'il y a des erreurs qui s'accumulent dans la création qu'est-ce que les êtres humains fabriquent. Mais dans la création d'Allah, il n'y a pas d'erreur. Et il n'y a pas de ce genre de retard. Ensuite, donc, c'est ça, le cheikh, il donne des exemples. Il dit, « Kam tushahidouna minas sayarat al-marmiya, wa ta'irat, wa al-bawakhir, ma'a annaha qawiyya, wa mu'tana biha, walakinnaha takhrab, wa tata'attal. Hal ta'attal al-layl, aw ta'attal al-nahar? La, li'anna sani'ahu qadirun hakimun jalla wa ala. » صنع الله الذي أتقن كل شيء. Donc le cheikh il dit, regardez les voitures, les avions, les bateaux que les êtres humains ont créés, malgré que ce sont des créations très solides, très fortes, et qu'on s'en occupe pour essayer de voir à leur entretien et tout, et puis elles se brisent et elles se cassent. Hein? Est-ce que le jour et la nuit sont brisés, ont cessé de fonctionner ou sont en retard? Non, parce que celui qui les a créés, c'est un créateur qui est tout puissant et sage. Hein? Et il mentionne le verset 88 de sourate An-Naml, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Sam'ullah illadhi atqana kulla shay » c'est-à-dire la création d'Allah qui a maîtrisé la création de toute chose. Et j'étais dans le vol quand je revenais de la France et ils ont mis un reportage dans l'avion sur la construction d'un pont en Grèce. C'est un gros pont, yani, subhanallah, j'ai jamais vu un gros pont comme ça. Et ils ont montré comment ils ont fabriqué ce pont. Et puis ils montraient la vibration, comment c'était, ça pouvait affecter le pont, puis que il y a des, même des, ils montraient que avec la pluie, le vent, les tempêtes, avec l'eau, avec des fois les tremblements qui peuvent arriver, les tremblements de terre, ou bien des fois aussi, en tout cas la vibration, les voitures qui passent, il y a les câbles qui tiennent le pont d'en haut. Puis tu vois qu'il y en avait qui se détachaient. Donc on a vu des exemples comme ça qui montrent que ça c'est des créations des hommes, ça se brise. Même si c'est très très très solide, si tu vois si tu voyais les ingénieurs comment ils ont calculé ce pont là, puis comment ils l'ont construit solidement, et malgré ça, subhanallah, il se brise. Et tu vois, dernièrement, il y a eu plusieurs ponts aux États-Unis, même ici au Québec, il y a des ponts qui sont tombés, alors que c'est des ingénieurs qui ont fait des calculs précis pour faire ça. Et ça se brise tout d'un coup comme ça. Donc c'est le qadar, mais en même temps c'est pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a créé, ça se brise pas de cette façon là. Le cheikh ensuite il dit ad-dalilu ala rububiyyati wa ilahiyyatihi subhanahu wa ta'ala, les preuves de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa divinité, de que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Il mentionne et dit: والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. C'est-à-dire, ça c'est le verset 37 dans sourate Fussilat. Il dit: la preuve de tout ce qu'on a mentionné, c'est la parole suivante d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit: et parmi ces signes il y a la nuit et le jour et le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas au soleil ni à la lune, mais prosternez-vous à celui qui les a créés, si c'est vraiment lui que vous adorez. Parce qu'il y a des mushrikounes, beaucoup d'idolâtres qui adorent le soleil et la lune. Ils prient à ces créations-là. Et ils les prient, pourquoi? Parce que souvent ils voient que ces créations amènent beaucoup de bonnes choses pour les hommes. Donc au lieu de remercier celui qui a créé ces choses-là, il remercie ces êtres créés-là, ces créations. C'est ça l'erreur qu'ils font. Donc Allah, dans ce verset-là, il répond à ces gens-là. Il dit: ne vous prosternez pas au soleil ni à la lune, mais prosternez-vous à celui qui a créé le soleil et la lune, si réellement c'est lui que vous adorez. Donc il dit: si c'est réellement lui seul que vous adorez. Donc il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit: هذا دليل على ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس والقمر, الشمس الكوكب العظيم الذي يضيء الكون سراجا وهاجا. قال تعالى كما قال تعالى: وجعلنا سراجا وهاجا, وجعلنا سراجا وهاجا, والقمر نور يضيء الليل ويضيء الطريق للناس. ومن مصالحهما أيضا إصلاح الكون بأشجارها وثمارها وبحاره. فلو اختفت الشمس عن الكون لتضرر الكون وفسدت كثير من معايش الناس ومصالحهم. ولو اختفى القمر كذلك, القمر أيضا فيه منافع للثمار والأشجار مع ما فيه أيضا من معرفة الحساب. قال تعالى: والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. هو الذي جعل الليل والنهار والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ce verset là dans sourate Yunus: والقمر نورا, هو الذي جعل الشمس ضياء, والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب. وقال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قل هي مواقيت للناس والحج. Donc le cheikh il explique que يعني parmi les bienfaits, donc est-ce qu'on a lu, oui, donc ça c'est les preuves de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Le soleil et la lune, le soleil c'est l'astre qui est dans le ciel, qui nous éclaire et qui nous réchauffe, hein, qui est comme une lanterne, hein, éclairante, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit et l'a mentionné dans Surat An-Naba, le verset 13, « وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا » Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce soleil comme une lanterne, hein, qui éclaire. Et qu'est-ce qui est étonnant, c'est que on a pris cette chose-là pour acquis maintenant. On a le soleil, puis on dit bah, on a le soleil. Mais on ne réalise pas la grâce qui est dedans de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sagesse pour laquelle Allah l'a créé. Hein? Si quelqu'un ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala puis qu'il voit tous les jours ce soleil devant, au-dessus de sa tête qui éclaire le ciel et qui fait que les arbres puissent se nourrir par l'intermédiaire de ça, donc est-ce que quelqu'un est insouciant au point de dire ben ça c'est comme ça, il y a un soleil puis c'est tout, comme si par hasard il y a un soleil qui est là et puis on est éclairé par ce soleil et puis ça nous facilite, ça nous réchauffe, ça nous fait vivre, mais c'est juste là comme ça par hasard, hein? Non, c'est pas par hasard. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ce soleil là il soit là et qu'il remplisse ce rôle là et qu'il fasse ces choses là et donc tout ça fait partie de qu'est-ce qu'Allah a prédestiné, de même que la lune, hein? Pourquoi la lune, la nuit elle éclaire mais elle éclaire pas fort, juste un peu, juste suffisamment pour qu'on voit un peu, hein? Tandis que le jour c'est le soleil qui éclaire tout, comme ça la nuit on peut se reposer. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il avait mis une lumière pour nous, mais douce, hein, apaisante et reposante, pas trop forte, hein. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de la sagesse. Les gens disent mais pourquoi il y a la lune, c'est comme ça, et puis elle devient plus petite, et puis elle au milieu du mois elle devient pleine et après elle se rapetisse encore. Hein? Elle grossit, elle rapetisse, on ne se pose pas la question pourquoi, qui a fait ça, est-ce qu'il y a une sagesse là-dedans, non, c'est juste le hasard, c'est la création, hein? Comme si c'est arrivé comme ça, tout seul, alors que non, Allah subhanahu wa ta'ala il a créé ça par sa sagesse. Donc le cheikh il dit que le soleil donc et la lune sont là pour une raison et pour une sagesse et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. Et quand on regarde par exemple les bienfaits de ces deux astres, eh bien il dit regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala il fait du bien par ces astres là aux arbres et aux plantes et aux océans, et que si c'était caché, si le soleil était caché de la création, eh bien ça aurait détruit tout, ça fait que tout a été détruit sur la terre. Et on a des exemples de ça quand on voit par exemple les pays où il n'y a pas de pluie, où il n'y a pas d'eau, ou bien que où il y a par exemple le pôle nord où il n'y a pas vraiment de soleil là-bas, tout est glacé, hein? Et les endroits où il y a du soleil tout le temps, il n'y a jamais d'eau, il y a de nuages, il n'y a jamais de pluie, tout est sec, tout est désert. Donc on voit, Allah il nous donne des exemples pour dire toute la terre pourrait être un désert et toute la terre pourrait être glacée, hein? Mais Allah a voulu qu'il y ait des endroits où il n'y en a pas que ce soit pas un désert partout, pour nous faire réfléchir et pour nous faire comprendre sa grâce, hein? Des fois c'est des choses qui nous font réfléchir et qui nous font comprendre la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si c'était pas comme ça, si Allah subhanahu wa ta'ala avait pas mis le soleil ou la lune, eh bien, il y aurait eu beaucoup de désordre, beaucoup de mal. Il y aurait pas pu y avoir de la vie comme ça existe maintenant. Et les fruits n'auraient pas pu pousser, et les arbres non plus. On sait que les arbres, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, on sait que les arbres se nourrissent par photosynthèse. Par photosynthèse, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent, ils produisent leur énergie par la lumière. Hein. Et donc ça c'est premièrement par l'importance du soleil. Puis par la suite, les animaux mangent les plantes, mangent les arbres, mangent les fruits, des trucs comme ça. Et nous on mange les animaux, puis on mange les plantes aussi. Donc c'est ça qui fait que la vie peut circuler. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de ces créatures-là des causes dans ces choses-là. Donc ça montre en même temps la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi dans la lune et dans la création, et surtout dans la création de la lune, il y a des choses qui nous aident à calculer le temps aussi. C'est comme si on a un calendrier, hein. Et on a même l'horloge, même dans le ciel, qui nous donne le temps et qui nous donne aussi les mois. Les gens, avant, aujourd'hui, quand il n'y avait pas encore des montres comme maintenant, les gens prenaient le temps avec le soleil. Il y avait, à une époque, les gens, ils avaient des cadrans solaires. Ils savaient l'heure de la journée avec la position du soleil dans le ciel et les mois avec la lune, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des exemples de sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Aujourd'hui, on a tellement été détaché de ces réalités-là que c'est comme si on a perdu la notion de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'est-ce qu'il nous donne. Hein? Et ça, c'est une chose qui me reste toujours à l'esprit. Je me rappellerai toujours de cet exemple-là quand j'ai mentionné une fois quand j'étais à l'école que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la nourriture. Et puis, c'était un cours d'enseignement religieux. J'ai dit, c'est Allah qui nous donne la nourriture. Puis, il y a une élève qui a répondu, elle disait, non, c'est au supermarché, on va l'acheter. J'ai dit, subhanallah. J'ai dit, oui, mais avant d'arriver au supermarché, il faut que ça pousse les légumes quelque part. Et si Allah, il retient la pluie, s'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas de lumière, ça ne peut pas pousser. C'est Allah qui fait ça. Donc, il faut réaliser que tout ça, ça vient d'Allah. Oui, c'est ça. Eux, ils ont pas l'habitude de voir qu'un animal est égorgé pour qu'on puisse manger sa viande. Donc, étant donné qu'eux, ils vont au supermarché, ils trouvent la viande déjà prête, hein, coupée et tout. Donc, ils disent, ah, ben c'est... Ils pensent peut-être que la viande apparaît comme ça toute seule. Mais non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les animaux, puis nous, on mange ça. Donc, tout ça, c'est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce qui concerne le calcul des jours et des nuits et des mois et de tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné des versets dans le Coran à ce sujet-là. Comme le verset 5 dans Surat Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est lui qui a fait, comme, huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya. C'est lui qui a fait du soleil une lumière, hein, une clarté plutôt. Diya, une clarté. Wal qamara nuran, et de la lune une lumière. Wa qaddarahu manazil. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a divisé en phases. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adad as-sinin wal hisab. Il l'a divisé, il l'a mesuré en phases pour que vous puissiez connaître le nombre des années et le calcul. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, elle a créé ça dans le ciel pour nous. Hein, ça c'est incroyable. Et il dit, وَيَسْأَلُونَكَ عَلِ الْأَهِلَّ. Il te demande au sujet des lunes, des croissants de lunes. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ. Dit, ce sont des moyens de mesurer le temps pour les gens et pour savoir quand est-ce que commence le hajj. Hein, ainsi de suite. Et aussi, pour le ramadan, on sait que c'est le ramadan qui est déterminé par la lune. Lorsqu'on veut savoir quand est-ce que ça commence, hein, le mois, on se base sur la lune. Et pour savoir chaque jour, quand est-ce qu'on termine ou on commence de jeûner, c'est avec le soleil. Hein? Quand le soleil se lève, on arrête de manger. Quand le soleil se couche, on peut manger. Donc ça, c'est des exemples que Allah subhanahu wa ta'ala a déterminés pour nous. Et les heures de la prière sont déterminées par le soleil aussi dans la journée. Hein? La position du soleil dans le ciel, puis c'est ça qui détermine le Zohr, le Asr, le Maghrib, hein? L'Isha, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, et c'est des signes dans la création, puis des signes dans la révélation aussi. وفي ففي الأهلة مصلحة لمعرفة المواقيت لمعرفة المواقيت والأجال أجال الديون وأجال العدد للنساء ومواقيت العبادات والصيام والحج كلها تعرف بالحساب المبني على هذين النورين الشمس والقمر فالحساب الشمسي والحساب القمري فيهما مصالح للخلق أجمعين. Donc le cheikh il dit qu'il y a également dans les croissants de lune, donc il y a un bien pour nous pour connaître les temps, pour connaître les termes, le terme des dettes, quand on a une dette envers quelqu'un puis qu'on a donné une date. Eh bien, comment on va savoir que le terme est arrivé? C'est par rapport au temps. Et le temps est déterminé, comme on a dit, par le mouvement. Hein? C'est quoi la définition de la vitesse? C'est le déplacement par le temps. Hein? C'est ça. Donc, il y a un lien entre le mouvement puis le temps. Si rien bouge, mais on ne pourrait pas savoir s'il y a un temps qui se passe. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Hein, c'est relié ensemble. Si les astres étaient toujours immobiles et que tout bougeait, il n'y a rien qui bougeait dans l'univers, mais on ne pouvait pas savoir s'il y a un temps qui passe. Hein? Donc c'est pour ça. Imaginez qu'on vous enferme dans une pièce et qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de changement. Vous ne pouvez pas savoir quelle heure il est. Vous pouvez savoir combien de temps vous êtes passé dans cette pièce-là. C'est impossible. Les Ashab al-Kahf sont restés dans une caverne pendant 300 ans? Je ne sais pas combien d'années. Donc, un grand nombre d'années sont restés dans une caverne. Et ils dormaient comme ça. Et Allah, il les faisait tourner d'un côté et de l'autre. Hein? Donc ça, c'est pour dire que tout ça, c'est par rapport au mouvement et par rapport au terme que Allah nous a déterminé. Par exemple, pour savoir qu'une femme, quand elle est divorcée, combien de temps elle doit attendre? Il y a une idda. L'idda, elle est déterminée par un nombre de périodes, hein, le nombre de mois. Hein. Donc, c'est déterminé par rapport à la lune. Hein? Et la même chose pour les temps pour les adorations, pour le jeûne, pour le hajj, on a donné des exemples comme ça tout à l'heure. Donc tout ça c'est basé sur le calcul. Et le calcul est basé sur ces deux astres, le soleil et la lune. Vous voyez l'importance de ces deux astres que Allah a créés pour nous. Donc ça c'est des exemples. Et moi je peux vous dire une chose, la majorité des hommes sur la terre, ils sont insouciants. Et indifférent de ça. Insouciant et indifférent de tout ça. Alors que, eux, la seule chose, les koufars, la seule chose qu'ils voient dans le soleil, bon, c'est que ça réchauffe puis ça éclaire. Mais le mu'min en plus, ça détermine le temps des adorations et des choses comme ça, et la lune aussi. Donc tout ça, c'est des bienfaits pour la création. Après, le cheikh, il dit, ومن مخلوقاته السماوات السبع قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الذي خلق سبع سماوات طباقا وبعضها فوق بعض بعضها فوق بعض بعضها فوق بعض السماء الدنيا ثم التي تليها إلى السابعة فوق الجميع عرش الرحمن سبحانه وتعالى والأراضون السبع كما قال تعالى ومن الأرض مثلهن فهي سبع طباق أيضا وكل طبقة من طبقات السماوات السبع والأراضين لها سكان وعمار ما في السماوات من الكواكب والأفلاك والشمس والقمر وما في الأرض من المخلوقات من الدواب باختلاف أنواعها ومن الجبال والأشجار والأحجار ومن المعادن ومن البحار هذه من آيات الله سبحانه وتعالى الآيات الكونية التي ترى وتشاهد. Donc le cheikh il explique maintenant, il dit que wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il dit que il y a également parmi les créatures d'Allah les sept cieux. Hein? Sept cieux. C'est pas juste le ciel qu'on voit là comme ça la nuit. Il y en a sept autres en haut de ça. Alaykum salam. Il y a celui-là plus six autres encore. Hein? Des cieux. Donc c'est, on peut même pas imaginer la grandeur. Hein? Nous imaginez juste qu'est-ce qu'on voit la nuit là avec les étoiles. Ça c'est un seul ciel. C'est Sama Dunya. Et déjà lui il est loin de nous. On sait même pas où est-ce que ça finit. Non, c'est pas les six couches d'atmosphère qu'on apprend à l'école. Ça c'est juste un ciel. Les six couches d'atmosphère c'est juste qu'est-ce qu'il y a jusqu'à et qu'est-ce qu'on voit le jour. Le jour qu'est-ce qu'on voit, c'est le ciel bleu là. Ça c'est pas tout le ciel au complet, c'est juste une partie parce que la nuit on voit plus loin que ça encore. Et ça c'est Sama Dunya. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيح. Il a embelli le ciel de la dunya avec des étoiles, des astres, hein, comme des torches, des lanternes qui éclairent. C'est ça qu'on voit les étoiles la nuit. Ça c'est le Sama'a dunya seulement. Et c'est ça, le Sama'a dunya, c'est ça que les koufars appellent l'univers. Ils savent pas qu'au-dessus de sept autres, il y en a encore, au-dessus celui à six autres ciels encore, hein, plus grand encore. Allahu a'lam. Donc, le cheikh dit, dans chacun de ces cieux-là, il y a des habitants. Il y a des habitants différents qui vivent dans ces sept cieux. Hein? Et il dit quoi encore? Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le verset 12, en surat At-Talaq, c'est lui qui a créé les sept cieux et un même nombre égal de terres. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ. Donc il y a sept terres aussi. Hein? Et il dit, dans le verset 3, dans surat Al-Mulk, c'est lui qui a fait les sept cieux en étages superposés. طِبَاقًا. Donc c'est comme s'ils sont tous un par-dessus les autres. Donc, il y a Sama Ad-Dunya, puis après, il y en a d'autres, jusqu'à sept. Et au-dessus de tous ces sept cieux, il y a le trône de Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle Al-Arsh en arabe. Donc, le dernier niveau, c'est l'Arsh. Les sept terres aussi. Le cheikh, il dit, en ce qui concerne les sept terres, elles sont sept étages, sont en étage elles aussi, les terres. Et chaque étage, comme les sept cieux, les sept terres, il y a des habitants. Et il y a des gens qui habitent dedans. Hein? Comme dans les cieux, il y a des étoiles, il y a des planètes, il y a le soleil, il y a la lune. Et la même chose, le cheikh il dit, il dit donc ما في السماوات من الكواكب والأفلاك والشمس والقمر وما في الأراضون أو ما في الأرض من المخلوقات. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la terre par exemple comme créatures, comme bêtes, comme animaux, ainsi de suite, avec toutes les différentes sortes. Et qu'est-ce qu'il y a comme montagnes et comme arbres et comme pierres et comme minéraux et également comme océan, tout ça, ça fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création qu'on peut voir et on est tous témoins de ça. D'accord ? قال رحمه الله والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. Il y a un cheikh qui a écrit un livre à ce sujet-là de qu'est-ce qu'on parle maintenant là. C'est justement le cheikh qui s'appelle Abu Nasr Muhammad ibn Abdullah al-Imam Muhammad al-Imam, qui est un des shuyukh du Yémen. Il a écrit un livre sur tous les signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a réfuté dedans les kuffars et anik avec leurs théories. Il parle de toutes les nouvelles théories qui existent. Ce livre, comment il s'appelle? Oui, le livre du cheikh. Non, c'est pas celui. C'est le nom du cheikh. C'est lui qui l'a écrit. Mais je sais pas. Le livre, je l'ai à la maison, mais j'ai oublié le titre au complet. Mais je sais que ça parle des signes dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vas sur son site, cheikh Muhammad al-Imam, tu vas le trouver. Tu vas sur Google, tu vas écrire cheikh Muhammad al-Imam. Muhammad ibn Abdullah al-Imam. Et il a un livre, son livre, il est gros comme ça, là. C'est vraiment un gros volume. Il parle des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, puis il réfute les théories des athées, des kuffars. Il parle de tout ce qui a rapport avec le soleil, avec les astres, avec la lune, avec la création. Toutes ces choses-là. Masha'Allah, c'est un livre vraiment intéressant. Et j'ai juste, moi, lu certains passages dedans. Et j'ai pas eu le temps encore de le lire au complet. Mais c'est un livre, Masha'Allah. Je pense que ça, ce genre de livre-là, ce serait bien de le traduire en français. Parce que c'est vraiment des sujets qui sont importants pour les gens, surtout à notre époque, qui ignorent les positions, les questions islamiques qui sont reliées à ces questions-là. Comment comprendre ces questions-là parfois, et les gens ne savent pas. Donc c'est important de bien comprendre ça. Donc le cheikh il dit ensuite وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. من آياته الليل يعني من علاماته الدالة على الربوبية وقدرته واستحقاقه للعبادة دون سواه الليل الذي يظلم والنهار الذي يضيء الكون كله. هذا من عجائب آيات الله سبحانه وتعالى. فمن الذي جعل الكون كله مظلما في آن واحد ثم يجعل الكون كله مضيئا في آن واحد؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولو اجتمع الخلق على أن يضيئوا بقعة من الأرض ما استطاعوا أن يضيئوا إلا ببقعة محدودة. سبحان الله. لو جاءوا بمكائن الكهرباء الكهرباء التي في الدنيا كلها لا تضيء إلا جزءا محدودا من الأرض. أي نعم. Donc le cheikh il dit, rahimahullah, il dit que la preuve, c'est dans les signes d'Allah, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas au soleil ni à la lune, mais prosternez-vous à Allah, celui qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Non. Donc parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la nuit, qui sont parmi les signes de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa toute puissance, et parmi les preuves que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et la nuit, tout devient noir et obscur, hein, et le jour, tout devient éclairé. Ça, c'est parmi les signes étonnants de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, c'est qui a fait que toute la création devient obscure d'un seul coup, hein? Quand la nuit arrive, tout devient noir d'un seul coup. Et c'est pas seulement la terre qui devient noire, même le ciel devient noir en même temps. Hein? Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Je me rappelle en secondaire 2, on avait fait une expérience et le prof essaie d'expliquer pourquoi le ciel est bleu le jour. Et il parlait des fréquences et des fréquences de lumière, puis la couleur bleue, puis le prisme avec les rayons lorsqu'ils sont séparés par l'eau. Hein, quand il y a un rayon qui traverse une goutte d'eau, ça fait comme ça, puis ça rentre d'un côté, ça sort comme ça, puis ça diffracte, ça fragmente la lumière en différents degrés. Puis en tout cas par rapport à l'angle, puis là supposément que l'angle que ça fait avec le soleil, ça fait que la couleur qui apparaît dans le ciel, ça fait le bleu. En tout cas, ils essaient d'expliquer ça de cette manière. Bon, de toute façon, peu importe comment il explique, l'important, qu'est-ce qu'on réalise, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé ça, hein, et ça montre sa grandeur et sa sagesse. Et en plus, il a fait que le ciel ait une belle couleur bleue. Yani, mashallah, quand tu regardes ça, t'es ébloui. Et même, subhanallah, quand tu vois qu'il y a des jours où il fait gris, qu'il y a des nuages, tu te sens déprimé. Des fois. Et quand il fait bon par la suite et que le soleil est bleu, là tu te sens content, même si il n'y a rien de différent, c'est juste que la couleur est différente. Hein. Donc ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pour rien qu'Allah il a fait ça. Hein. Imaginez une autre couleur, le soleil aurait pu être rouge ou bien vert. Allah il a voulu que ce soit bleu. Oui, il disparaît, oui. Et des fois ici l'hiver. On voit pas beaucoup de soleil, on voit pas beaucoup de verdure, parce que les plantes meurent et tout. Donc, quand l'été revient, la nature renaît, en même temps, ça nous fait apprécier plus, hein, la chaleur, le beau temps. Malgré que, parfois, certains, au lieu d'être reconnaissants, ils font plus de péchés par la suite. Allah musta'an. Donc, Allah musta'an. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite, le Cheikh? Il dit donc tout ça, c'est des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Et il dit, qu'est-ce qui fait aussi que toute la création devient éclairée en même temps le jour? Hein? Donc le Cheikh, il dit ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ça. Il dit, si tous les êtres humains se mettaient ensemble dans un endroit de la terre, ils n'auraient pas été capables d'éclairer, excepté une petite partie de la terre. Hein? Dans le sens que, supposons qu'il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de lumière, ben, comment ils allaient faire pour faire de la clarté? Est-ce qu'ils auraient été capables d'éclairer tout l'univers, tout le ciel au complet? Non! Ils allaient juste éclairer une petite partie de la terre où est-ce qu'ils sont. Là, il y aurait peut-être un petit peu de lumière. Et le Cheikh, il dit, c'est pour ça que je riais tout à l'heure, il dit, ils n'auraient pas été capables d'éclairer la terre, excepté juste une petite partie. Il dit, même s'ils amenaient toute l'électricité qu'ils peuvent trouver sur la terre pour essayer d'éclairer, de faire de l'éclairage, ils pouvaient juste éclairer juste une petite partie. Hein? Imaginez que la nuit, il n'y a pas de lune, il n'y a pas d'étoile, le jour, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière nulle part, mais ça, c'est impossible. Mais en même temps, si tu essaies de faire de l'électricité pour faire éclairer la terre, tu vas éclairer juste une petite partie, mais tu vas pas voir plus loin que ça. Hein? Même la nuit, par exemple, supposons que tu es dans une pièce noire ou dans la noirceur, qu'il n'y a pas de lumière, tu as une lampe de poche avec toi. Qu'est-ce que tu peux éclairer? C'est limité. Tu peux pas éclairer tout. C'est pas comme quand tu allumes la lumière, l'interrupteur, puis là tu vois tout. Hein? Tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ça. Donc il faut être reconnaissant de toutes ces choses-là. Après le Cheikh, il dit « Amma al-shams wal-qamar » فهما يضيئان الأرض كلها الليل والنهار يتعاقبان والشمس والقمر كذلك قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وهذا إبطال الشرك إبطال للشرك لا تسجدوا للمخلوقات لأن من أعظم المخلوقات الشمس والقمر ولأن المشركين كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لها ومنهم من يعبد القمر والكواكب مثل قوم إبراهيم يبنون لها الهياكل يبنون لها هياكل وعليكم السلام ورحمة الله على سورة الكواكب ويعبدونها وقوله تعالى لا تسجدوا للشمس السجود معناه السجود معناه وضع الجبهة على الأرض خدعانا أو خضوعا للمعبود وهو أعظم أنواع العبادة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهو ساجد. Donc le cheikh il explique que le soleil et la lune donc ils éclairent pas juste une petite partie, ils éclairent tout le ciel et la terre au complet, le jour et la nuit. Donc le jour et la nuit se succèdent et le soleil et la lune se succèdent aussi. Et le cheikh il dit ensuite, et Allah subhanahu wa ta'ala ensuite de ça il dit, ne te prosterne pas devant le soleil ni la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si réellement c'est lui que vous adorez. Et ça c'est la réfutation et l'annulation ou la preuve de la fausseté du shirk. Hein? Ne vous prosternez pas devant les créatures. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les plus grandes créatures. Les plus grandes créatures, c'est-à-dire le soleil et la lune. C'est parmi les plus grosses créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il nous interdit de nous prosterner devant les plus grosses créatures, ça veut dire encore plus devant les plus petites, hein, qu'on ne doit pas se prosterner devant les plus petites également. Et il dit que les mouchrikoun, eux, ils avaient l'habitude d'adorer le soleil et de se prosterner devant le soleil. Et il y en a qui adorent la lune et les étoiles et les astres, comme le peuple de Ibrahim, alayhi salam, ils adoraient les étoiles. Ils adoraient les constellations et les astres. Hein? Et ils construisaient des autels. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils construisaient des autels pour l'adoration de ces étoiles et de ces constellations, et ils les adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit ne vous prosternez pas devant le soleil. Et la prosternation, le cheikh il dit, c'est de mettre son front sur la terre en soumission et en humilité pour la chose adorée, pour la chose qu'on adore. Et ça c'est une des plus grandes parmi les formes d'adoration. La prosternation, c'est une des plus grandes formes d'adoration. Hein? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira, dans le Sahih de l'imam Muslim, que le serviteur, le moment où il est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Il n'y a pas un moment où le serviteur d'Allah est plus proche d'Allah que lorsqu'il est sajid, c'est-à-dire prosterné. فَأَعْظَمُ أَنْوَعِ الْعِبَادَةِ السجود على الأرض لأن وجهك الذي هو أعز شيء عندك وضعته لله على الأرض تعبدا لله وتذللا بين يديه سبحانه وتعالى هذا هو السجود الحقيقي ولا يليق التعبد به إلا لله. Le cheikh il dit que une des plus grandes formes d'adoration donc c'est le fait de se prosterner par terre. Tu mets ton front par terre. Et le cheikh il dit, qu'est-ce qui est de plus noble, de plus fier, de plus grand, de plus important dans ta personne? C'est ton visage, c'est ton front. Et cette chose-là, tu la places devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu la mets par terre. Hein? Par humilité. Par humilité devant ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la prosternation. C'est ça que les koufars ils refusent de faire, par arrogance et par orgueil et par fierté. Ils disent non, je ne vais pas mettre mon front par terre devant personne, même si c'est mon créateur, je ne veux pas le faire. Il est arrogant, il est orgueilleux, il est fier, il ne veut pas se prosterner. Hein? Et ça c'était le péché de Iblis qui refusait de se prosterner lorsque Allah lui a ordonné de le faire. Hein? Donc ça c'est sujoud, c'est une des plus grandes formes d'adoration et on n'a pas le droit de le faire excepté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? أما السجود للشمس والقمر فهو سجود لمخلوق لا يستحق أن يسجد له فلا يجوز السجود للمخلوقات وإنما السجود لخالق المخلوقات أما المخلوقات فهي مثلك مخلوقة مدبرة متصرف فيها هل تسجد لمخلوق عاجز مثلك؟ هذا لا يجوز أين ذهبت العقول؟ السجود إنما يستحقه الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء فالسجود حق لله ليس حقا للمخلوق مهما كان هذا المخلوق من العظم والكبر فإنه مخلوق ضعيف مدبر متصرف فيه لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجد لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فالواجب أن لا نعبد إلا الله فإذا سجدتم له وسجدتم لغيره فإنكم لا تكونون عابدين لله العبادة الصحيحة بل تعبدونه مع الشرك والشرك يفسد العبادة. Donc le cheikh il dit que la prosternation, le fait de se prosterner aux étoiles, le fait de se prosterner par exemple au soleil ou à la lune, ça c'est de se prosterner à une créature et ça c'est pas permis. On n'a pas le droit de se prosterner devant une créature parce qu'elle ne mérite pas qu'on se prosterne devant celle-ci. On ne doit pas se prosterner devant les créatures, on doit uniquement se prosterner devant le créateur des créatures. Et comme par exemple, il y en a des gens de Bid'a ou des mouchriquines, des soufis, ils se prosternent devant leur cheikh. Ils se prosternent devant leur cheikh. Et ils disent non, je ne me prosterne pas devant le cheikh, j'embrasse la terre devant ses pieds, ou des choses comme ça. Et en est, le résultat, c'est la même chose, c'est que tu te prosternes. Et il y a des exemples aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, ça c'est juste pour le respect. Ça c'est un respect qui est exclusif à Allah. Tu n'as pas le droit de le faire devant une créature. Tu dois juste te prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils embrassent leurs pieds. Il y a des frères qui m'ont mentionné même qu'ils ont vu ça avec leurs propres yeux, quand ils ont vu des gens qui sont allés dans un endroit où il y a les soufis, et il y a leur cheikh qui est venu, ils se sont penchés, prosternés devant leur cheikh, embrassés les pieds du cheikh. Et donc ça c'est comme le sujoud, c'est la même chose. Des fois c'est pas le sujoud, même de se pencher la tête. Tu inclines ta tête comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle en arabe? Al-inhina. Tu t'inclines ou tu te penches légèrement. Ça c'est une pratique que j'ai vu, c'est répandu dans certains pays en Afrique. Et ça à chaque fois je mentionnais aux frères, il ne faut pas se pencher comme ça devant les gens. Quand tu donnes la main à quelqu'un, tu ne vas pas pencher ta tête devant la personne en même temps. Tu restes droit, tu donnes la main à ton frère, tu donnes la main, mais eux, par respect, des fois, quand c'est quelqu'un, un cheikh ou quoi, il donne la main, il incline sa tête devant la personne. Ça, c'est pas correct, ça, c'est pas permis de faire ça. Pardon? Ils enlèvent leurs propres chaussures, par respect pour la personne, et Allah nous tienne. Ça, je pense pas que ça fait partie de la sunna d'enlever les chaussures devant quelqu'un. Il n'y a pas de respect. J'ai jamais entendu ça. Et là, même comme tu dis, on a le droit de prier avec les chaussures, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prie avec ses sandales et avec ses chaussures. Il y en a qui pensent que c'est pas permis de prier avec les chaussures, et ils se basent sur le verset qui dit « Fakhla'na alayk » إِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى. Quand Moussa, Allah lui a ordonné d'enlever ses deux sandales, il dit tu es dans une terre sainte, enlève tes deux sandales. Et ça c'était spécifique à Moussa, mais sinon à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il priait avec ses sandales, et les sahabas priaient avec leurs sandales. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, à propos des juifs, il a dit les juifs ne prient pas avec leurs sandales. Alors contredisez-les, et priez avec vos sandales. Donc ça c'était pour dire aux gens que prier avec les sandales, ça fait partie de la sunna. c'est pas contraire à la sunna, c'est pas interdit. Tant que tes sandales sont propres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque vous rentrez dans la mosquée, regardez en dessous de vos sandales, puis frottez-les sur le sol, s'il y a quelque chose, pour enlever l'impureté, et puis vous rentrez. Ça, c'est à l'époque quand il n'y avait pas des tapis. Hein? À l'époque, quand les mosquées, il n'y avait pas des tapis. Les gens priaient sur le sol, sur le sable. Hein? Donc, ça, c'est pour dire que c'est pas contraire à la sunna de prier avec les tapis ou d'enlever nos chaussures. C'est pas obligatoire pour prier. Hein? Des fois, les gens font ça par habitude aussi. En principe, on ne doit pas baisser la tête. Ça fait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit d'imiter les juifs et les chrétiens dans la façon de saluer. Tu vois? Et en ce qui concerne le salut, si on donne le salut, on ne doit pas pencher la tête en même temps. Puis, le fait de dire le salam à distance, il y a un hadith à ce sujet-là, si je me souviens bien. Ouais, les chrétiens, ils saluent. Puis les juifs, ils font le signe avec la main ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Tu salues avec la main, puis tu dis avec ta bouche, assalamu alaikum. Comme ça. Mais tu fais pas juste le signe avec la main, ou bien avec la tête, ou des choses comme ça. On fait kabarak. Donc, comme le cheikh, il explique, il dit, on n'a pas le droit de se prosterner devant une créature. Hein? Ça, c'est très important. Les chrétiens dans les églises, ils se prosternent devant la croix, se mettent à genoux devant la croix, et se mettent à genoux devant les statues des saints et de Marie ou de Jésus. Et ça, ils le font et ils considèrent ça comme étant permis, alors que c'est du shirk, c'est de l'idolâtrie. Donc tout ça, c'est des exemples d'adoration qu'ils offrent à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, les musulmans, on n'a pas le droit de se prosterner devant un être humain ou devant une chose, devant c'est-à-dire une statue ou une créature. On doit uniquement se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les créatures sont comme toi, sont créées, c'est Allah qui les contrôle, donc tu ne dois pas te prosterner devant elles. Celui qui fait ça, le cheikh dit, où est-ce qu'il est parti sa raison quand il agit comme ça? Et donc il dit, le sujoud, la prosternation, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui le mérite, hein, celui qui a le pouvoir sur tout. Et c'est un des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aucune créature a ce droit. Aucune des créatures a le droit d'être adorée ou qu'on se prosterne devant. Peu importe sa grandeur. Peu importe sa grandeur. Hein? Et yani, ce sont toutes des créatures faibles, créées par Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah contrôle. Même les plus grandes des créatures sont toutes des créatures faibles. Regardez le soleil et la lune, c'est les plus grandes créatures. Malgré tout, Allah nous dit de ne pas nous prosterner devant ni le soleil ni la lune. « La tasjudu li shamsi wa la lil qamari, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. » Donc le cheikh il dit, après avoir mentionné ce verset, l'obligation donc pour le mu'min, c'est qu'il n'adore que Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque vous vous prosternez à lui, et que vous vous prosternez à autre que lui, dans ce cas-là, vous n'avez pas adoré Allah d'une adoration correcte. Parce que c'est une adoration dans laquelle il y a du shirk. Et le shirk, il annule l'adoration. Donc, si vous adorez Allah, vous devez l'adorer lui seul. Et vous ne devez pas adorer d'autres avec lui en même temps. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui. Puis, on continuera, inshallah, les explications demain, pas demain, mais la semaine prochaine, inshallah, pour la suite de ce dars. Demain, ce sera le livre des fondements de la da'wah salafie, inshallah. Donc on va s'arrêter. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.